Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоном плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, также шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Эта пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня, все знали, что я купил запрещенную пластинку. Garde, garde-moi, je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Mais tu me tues quand d'un air câlin tu me vois venu, tu me fredonnes ce refrain. Petit bonheur. Tu m'as dit très tendrement, je connais une femme, il était une fois. Il est sûr beaucoup d'enfants, nous en aurons 12, épouse-moi. Mais tu me tues avec ces mots-là. Allez va, je te salue. Connais-tu ce refrain-là? Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille et qu'il me sourie. Je sens bien qu'il se méfie. Ce refrain-là, ma belle, m'a mené au mariage. J'ai déjà trouvé ma cage. N'insiste pas davantage, n'insiste pas davantage, n'insiste pas davantage. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Me tombe la neige. Impassible ma neige. Pas ce soir. Tombe la neige. Tout est blanc de désespoir. Triste certitude. Le froid et l'absence. Cet odieux silence. Blanche solitude. Pas ce soir, me crie mon désespoir, me tombe la neige, impassible ma neige, me tombe la neige, impassible ma neige. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Взор милый твой. Ну, c'est un peu fou. C'est gris, c'est bleu, c'est arc-en-ciel. C'est un baiser au goût de miel. Non, c'est un peu fou. Ça pleure et ça rit aux éclats. Non, c'est malgré tout la fête qui n'en finit pas. Non, c'est un manteau d'azur sur les chagrins de la vie. Nous c'est comme un vin rompu. Nous c'est un grain de folie. Nous c'est la petite fleur qu'on a piétinée sans foi, mais qui résiste dans mon cœur. T'es-tu comme toi, baisse-moi. Non, c'est Arlequin qui jongle avec terre et soleil. Non, c'est un lutin qui joue du trombone au réveil. Nous c'est le monde enchanté de deux gosses magiciens. Nous c'est un château hanté aux fantômes musiciens. Nous c'est un curieux miroir qui reflète toi pour moi. Nous c'est un rayon d'espoir. Nous c'est un feu de joie. Nous c'est un oiseau qui vole plus haut que le temps. Non, c'est un ruisseau qui fait la nique à l'océan. Nous, c'est un tout petit bal pour deux âmes vagabondes. Nous, c'est un son de cristal, même quand l'orage gronde. Nous c'est quand les blés sont blonds. Nous c'est l'éternel été. Nous c'est le grand tourbillon. Nous c'est la liberté. Nous. la la la la la. Heureuse rose, passe, passe ton chemin. Ah, tu n'es pas rose, t'épanouir dans mon jardin. Tu es de ces belles, belles que le vent prend par la main. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Là, l'amour qui s'en vient peindre mon horizon. Tout en bleu, tout en blond, pour la belle saison. Et pourtant, hier encore, amour, tu m'as blessé. Quand rose m'a laissé, que supplier. Sois heureuse, rose, passe, passe ton chemin. Tu n'es pas rose, à t'épanouir dans ton jardin. Tu es de ces belles, belles que le vent prend par la main. Trois petits coups d'aile, belle, ton chagrin est déjà loin. Trois petits coups d'aile, belle, ton chagrin est déjà loin. Là, l'amour me tient de nouveau par le cœur. Puis donc l'enchôleur, tout avec des fleurs. Et bien sûr, chaque fois, c'est la première fois. Je m'y vois et j'y crois, pauvre moi. Sois heureuse rose, passe, passe ton chemin. Car tu n'es pas rose, t'épanouir dans mon jardin. Tu es de ces belles, belles que le vent prend par la main. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Là, l'amour qui s'en va, sans rime ni raison. La chanson à la morte saison. Dois-je rire ou pleurer? L'éternelle question. Après tout, à quoi bon chantons? Sois heureuse, rose, passe, passe ton chemin. Car tu n'es pas rose à t'épanouir dans mon jardin. Tu es de ces belles, belles que le vent prend par la main. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Trois petits coups d'aile, belle, et ton chagrin est déjà loin. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Oh, she say, I said something wrong, now I long regarder. La voix s'achène easy game to play, yes it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, she had to go. I don't know. She would not say. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse. I guess you know the tune. Oh Lord, I'm stuck in a low dive again. Rolling on a greyhound, I'll be walking out if I go. I was passing through here, must be 7 months or more. I ran out of time and money. Looks like it took my brain. Oh Lord, I'm stuck in a low dive again. Plans fell through. Oh Lord, I'm stuck in a low dive again. Now if I only had a dollar for every song I sung, and every time the band would play and people sat there drunk, may be weary. Women do get weary wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tenderness. Thank you. she's waiting, just anticipating for things she may never, never, never possess. No, no, no, while she's without them, try a little tenderness. That's all you've got to do. And don't forget it, 'cause love is the whole happiness. It's all so easy. remembering the other girls I knew before, the many times I thought I was in love before, until yesterday when we met. Never will I forget the tender look of loving in those eyes of yours, a whisper in my ear that I alone am yours. These are the signs of love, these are the signs of love. Not before now have I been in love. See those signs in the sky up above. Remembering the ups and downs and growing up, thinking back to broken hearts and blowing up, times when my world fell apart, younger than love was my heart. Remembering the wakeful nights and loneliness, the many times that I was fooled by tenderness, memories of others I knew mean nothing now, there is you. Remembering the past without including you, in future that is something I need never do. Now that you're holding my hand, true love I understand. Not before together in the years ahead, remembering our happiness the day we met. These are the signs of love, these are the signs of love. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Remembering the other girls I knew before, the many times I thought I was in love before, until yesterday when we met. Never will I forget the tender look of loving in those eyes of yours, a whisper in my ear that I alone am yours. These are the signs of love, these are the signs of love. Not before been in love. See those signs in the sky up above. Remembering the ups and downs and growing up, thinking back to broken hearts and blowing up, times when my world fell apart, younger than love was my heart. Remembering the wakeful nights and loneliness, the many times that I was fooled by tenderness, memories of others I knew mean nothing now, there is you. Remembering the past without including you, in future that is something I need never do. Now that you're holding my hand, true love I understand. Not before now have I remembering together in the years ahead. Remembering our happiness the day we met. These are the signs of love. These are the signs of love. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Взор милый твой. Two shadows so close together. In a moment I'm in love with you. What is your answer? Tell me, must I go now? I need you so now. Don't send me away. Let's kiss tomorrow goodbye. Live for this moment. Maybe tomorrow there'll be clouds in the sky. You're in my arms, I know I'll never leave you. So love me tonight and let's kiss tomorrow goodbye. These precious hours we spend together, we'll find paradise and we shall remain. A dancer, a pretty girl I've never seen before. I went to the theater to see her. What a shock when I opened up the door. She was dancing the bump, bump, bumpity bump. The audience was going wild. She looked at me and threw me a kiss as I came stumbling down the aisle with every bump, bump, bumpity bump. My heart started bumping too. Now every night you see me in the front row seat, them and stomping my feet. I knew I met a girl to make my life complete with a bump, bump, bumpity bump. Let it go. Yeah, yeah, yeah. took her home to meet Ma and Pa. They said she was the girl for me. They wished us both a happy life. And that's when I made this gal my wife. When I get home each night after five, she got that radio on. She starts moving all around the kitchen floor. The neighbors peeking in are screaming more, more, more, more. They asked if I sold tickets at my front door to watch her dance that bumpity-bump. Oh yeah, to dance, dance, dance the bumpity-bump. Ya me olvidó y yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, un beso y junto al mar la fiebre llevo a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la calma. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. No. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y al chico que miraba. Ella ya me olvidó. Puedo olvidarla. Que no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Y yo la recuerdo ahora. Cada primavera me llega con la brisa que la lleva a la arena. A mí ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. No, yo no puedo olvidarla. No, que no puedo olvidarla. El ayer y lo que pasó sin querer. Oh Mayoren, ¿quién nos separó? A los dos rompiendo nuestro corazón. Mayoren, perdió el amor, no podrá ya volver a empezar, pero yo buscaré sin cesar donde estés y a tu lado iré. Lleva mi canción, más lloré, todo cambiará, nacerá nuevamente el amor de los dos. Se paró la distancia cruel, sin piedad para nuestro amor, amor. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валера Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.